en cœur tu me manques. Si l'amour était une chanson, je crois que je l'écrirais des tas. Le ciel brille d'un soleil d'été, dans mon cœur c'est le noir. Déjà le beau je le suis, cela atténue tout espoir. Te serrer un jour dans mes bras, mais pas résonne creux sur le macadam. Le vague à l'âme, à l'arme, un homme s'apprête à perdre son âme. Au fond de moi il pleure, comme il pleut sur la ville. Tes yeux de miel au moindre regard me font défaillir. Tel par magie Dieu, jour au lendemain, mon désir s'agrandit. Où que j'aille, t'es là. Ton visage au trait régulier est là, je t'en supplie, tiens la foi, n'est là. Comment sortir les mots qui conviennent pour faire toi mienne? Dois-je me faire tout petit? Dois-je devenir un adepte d'une quelconque secte? Et t'emmenant en otage à Braza ou à Praia, tu vois tout ça m'ennuie, je deviens une loque humaine. Viens près de moi, de toi, j'ai envie, c'est ma prière. Amour me tue à petit feu. Amour me veut mettre à nu. Amour me tue à petit feu. Maintes fois j'ai essayé de franchir le Rubicon. Seulement voilà ce projet, je l'ai toujours remis en calende grecque. J'interpelle le dieu de l'amour qui m'a décroché sa flèche mortelle, implanté son étendard en plein de mon cœur, de réajuster mon intellect, mes yeux. Rivé sur la masse immense de l'océan, je scrute l'horizon dans l'espoir de voir sortir comme un Mami Wada au fond de l'eau. Avec toi m'embarquer dans un corps à corps millimétré, explorer les moindres coins de ton intimité, goûter à tes lèvres de velours, car t'es mon seul et unique amour. Obscurs deviennent lumière, tu es mon lendemain, mon chemin. Il fait froid, je meurs. S'il te plaît, ouvre-moi ta porte et ton cœur, me laisse pas dehors. Amour me tue à petit feu. Amour me veut mettre à nu. Amour me tue à petit feu. La chute d'un empire équivaut à la chute d'un des décans. Je suis à la merci de ton sourire entretenu sournoisement le temps. Penses-tu augmentera ma passion? Souverainement femme, souverainement belle, t'es aimée avec ivresse, t'es l'une déesse, t'es la grande prêtresse, la vénéresse. Mon désir a grandi dans la chaleur de Marie Galante. Topant le sable, tu broches l'or, séchant la gorge des jeunes crambours. Depuis de peur, je ne me loupe. Je mène enquête, je quête et guette la demeure du bonheur, voleur, l'amour, le leur. Tu es ravissante, énivrante, ravissante, sais-tu que tes hanches ont la forme honte. Reine de l'amour en Afrique, tes reines tout court en Bolivie. Voici ton premier vassal qui supplie pour ma vie. Amour me tue à petit feu. Amour me veut mettre à nu. Amour me tue à petit feu. Amour me veut.